Ça s'appelle un cas de The Price is Right de l'aide sociale. The Price is Right. 1-877-440-2464. Donc, The Price is Right de l'aide sociale. Qu'est-ce que c'est? On va répéter parce que il y a des auditeurs, de nouveaux auditeurs bien gentils, mais il y en a d'autres qui sont bien malveillants. Oh, il a parlé de l'aide sociale! Il a dit le mot aide sociale, aide sociale! On va bloguer, on va bloguer. Il y a des gens qui sont à l'écoute avec un stylo et une feuille blanche. Ah, ouais, ouais. Et qui écoutent Morel Live depuis 6 mois. Ils font ça à temps plein. Et lorsqu'on dit le mot aide sociale, il prend en note. Aide sociale. Ouais, pas juste ça aussi. Il y a d'autres mondes aussi. Ah, Morel, il est agressif. Ah, il a parlé des cyclistes. Ouais, beaucoup de gens qui ont du temps à perdre. Beaucoup de donneurs de leçons aussi. Beaucoup, beaucoup de donneurs de leçons. Pas leçons! Oh non, ça c'est beau, ça. Ouais. Non, ça rentre pas là-dedans. Non, ça c'est beau, ça. The Price is Right de l'aide sociale, c'est quoi? Avant, c'était du BS. Tu sais, on était plus clean un peu. C'est le rapport statistique. Ah, il y a du BS! Il y a du BS. Il est dénigrant! Ah! Il veut rabaisser les autres! C'est ça, pareil. Hein? Aïe. Les bons donneurs de leçons, là, énervés. Rapport statistique sur la clientèle des programmes d'assistance sociale. Ça existe, l'aide sociale. C'est un document interne du gouvernement et ce qui m'intéresse là-dedans, je vous dirais ce qui m'intéresse depuis le début là-dedans, c'est pas le nombre d'assistés sociaux et les gens qui en ont vraiment besoin. On le répète. Ouais, il faut le faire. Répète, on le disait avant, on le répète et on va le répéter. Les gens vraiment dans le besoin mériteraient d'avoir leur chèque augmenté. Les donneurs de leçons, ils prennent pas ça en note. Ça, non. Ça les intéresse pas. Ça colle pas vraiment dans le château de cartes qu'ils veulent se bâtir. Pour bloguer contre Radio X, ça fait pas, là. Et Morin, il a dit qu'il fallait augmenter le chèque de BS. Non, par contre, Morin fait un quiz sur les BS. Ah, ça c'est épouvantable. Mais Morin qui dit qu'il faut augmenter le chèque de BS, ça fait pas. Ouais. Un discours solidaire. Mais en fait, moi, je l'ai toujours dit, je l'aurais dit, je suis pro-aide sociale. C'est juste la vraie aide sociale. Pour les gens qui en ont vraiment besoin, il faudrait donner plus. Ce qui est intéressant là-dedans, et je vais poser mes questions d'entrée de jeu, 1-877-440-2464, les lignes sont pleines. On va y aller, surtout avec des questions portant sur ceux qui peuvent travailler. On dit sans contrainte, OK? Ça, je reviens là-dessus, on va commencer large, donc. Le nombre de prestataires en juillet 2012 au Québec. Ah, c'est des nouveaux chiffres. Ce sont de nouveaux chiffres, les chiffres les plus récents, donc donnés par le ministère. C'est pas inventé. C'est des vrais chiffres, de vrais documents faits par le ministère, des vrais fonctionnaires qui ont fait ça puis qui ont mis ça sur Internet. On travaille fort. C'est public, OK? C'est accessible, c'est public. Oui, oui, je vais mettre ça disponible sur le Facebook d'ici midi. Oui, bonjour, Morel Live. Oui, bonjour, Allô? C'est à vous. Le nombre total de prestataires d'aide sociale, le dernier chiffre en lice. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense qu'il y a personne. En passant, ça a baissé. La bonne nouvelle, je vous dis ça comme bon. ça a baissé. De 3,9%, il y en a 18 930 de moins qu'à pareille date l'an passé. Oui, bonjour, Morel Live. OK, je dirais 362 000. Plus que ça. Ouais, ça a baissé, mais pas tant que ça. Là. On va y aller avec 386 000. Ah, plus que ça. Mais je vais laisser la chance à un autre. Plus okay. De sauce. Hey, merci, faut bye. Mettre plus de sauce. Puis après ça, on va parler surtout... Ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont les gens qui peuvent travailler sans aucune contrainte. Aucune! Les gens avec contrainte, oui, il faut les aider. Plus que ça. Les gens à contrainte temporaire, oui, l'État doit être là pour eux. Mais la question qu'on doit se poser, c'est les gens qui sont capables de travailler. Pourquoi il y en a autant? Et pourquoi on les aiderait pendant si longtemps? Puis souvent, puis je me souviens, donc, on avait jasé pendant justement un Price is Right de l'aide sociale, attention aux mots, avec une dame non-voyante qui nous avait appelé. Puis qu'elle-même était complètement frustrée de la situation. Oui, oui. Elle dit, moi, je comprends pas. Elle dit, moi, j'ai de l'aide sociale, je ne vois pas. Elle dit, je pense qu'elle avait en haut de 60 ans. Elle dit, c'est assez compliqué pour moi de trouver une job. Ben, là. Oui, je suis non-voyante, ben, oui. J'ai un certain âge, je touche l'aide sociale, j'en ai honte moi-même. Mais nous, il disait, vous n'allez pas avoir honte. Vous en avez besoin. Exactement. Moi, ça me fait plaisir d'offrir ça à cette madame-là. Mais elle mérite mais plus. Mon deuxième voisin, lui, 24 ans, en pleine santé, et ça assis chez eux. Et ça existe. Elle dit, peux-tu l'avoir, moi, son chèque? Mais moi, j'y donnerais. Exact. Je le prendrais à lui. Excuse-moi, jeune homme. Excuse-moi, attention. Voilà, madame. Exact. Je viens de doubler votre chèque, ça me fait plaisir. Toi, va travailler, t'es en santé. Les gens dans le besoin, les gens qui doivent être aidés, doivent l'être davantage. Oui, salut, Morelive. Il y en a combien au Québec au total? Oui, bonjour. 465 000. Je vous le donne. 460 601. Oui! Bravo! C'est très bon? Oui. Est-ce qu'on est trop méchant de parler de l'aide sociale? Absolument pas. Ouais, mais il y a une réalité en plus. Ouais, mais il y a des petites chapelles gauchistes là qui vont dire, oh, il m'aurait parlé de l'aide sociale. Ah! Il a parlé de l'aide sociale à Radio X, la droite. Ben chacun ses combats. Ben oui. La gauche, c'est son combat à elle. La gauche, la bonne gauche. Occupé à donner des leçons, toujours, toujours et toujours. Merci d'avoir appelé. Bienvenue. Bien gentil, passez une excellente journée. Les autres questions maintenant. Le nombre d'adultes sans contrainte. Arrivez-moi pas, vous dites, Morin, il y en a qui sont pas capables. Ils sont dépressés. Ils sont pas là-dedans. Ils sont dans les contraintes temporaires. Ça, c'est les petites dépressions. Oui, les, bon, okay. Les petites, les moyennes, les grosses. Sans aucune contrainte. OK? Apte au travail. Il y en a combien, donc, au Québec? Le nombre d'adultes actuellement sans contrainte. Oui, bonjour, Morelive. Il y a oui, du bonjour, monde. Dominique. Oui. Juste avant, là, ce que vous oubliez des fois, là, c'est de parler aussi des HLM, hein, parce qu'il y a du monde qui se font subventionner le logement, là, des 5, 6,5, ils payent ça 125$ par mois. C'est moi pis toi qui paye ça. Là. C'est vrai. Ça mériterait une enquête, effectivement. Les coops d'habitation, mais les HLM aussi. Les logements à revenu modique, pour les gens qui en ont vraiment besoin, mais il y en a là-dedans qui travaillent, ouais, mais qui ont un logement subventionné. Ah oui, ça coûte une fortune, puis c'est fait de façon que les gens ne trouvent pas de travail, parce que je pense que si tu gagnes plus que 20 quelques mille par année, tu te fais expulser. Donc, le monde sont pas, ne font pas d'efforts pour faire un bon revenu, parce que sinon, ils vont perdre leur HLM. En tout cas, ça nous coûte une fortune, nous autres contribuables, là, de payer ça. Moi, je dirais 180 000, ta question. Non, c'est enlève de la sauce. Ça a baissé, c'est encore beaucoup. Là. On parle quand même plusieurs stades olympiques. Là. Ouais. Mais il faut pas t'oublier, hein. Il y en a qui ont fait le barreau pis le droit à quadraplégique, hein. Fait que... Donc c'est bon. Je pense à mon chum, Éric Bouchard, procureur de la couronne au fédéral, quadraplégique. Cette détermination-là, là, mais... Mais non, mais c'est ça, moi, ça se fait. Une personne ne puisse pas du tout travailler, là, même pas à temps partiel, faut vraiment qu'elle soit hypothéquée. Non, mais c'est-tu quoi? Moi, je trouve que c'est des beaux exemples, justement, de détermination puis d'aller au bout de soi-même. Par contre, moi, je n'ai pas de problème à aider les gens handicapés. Moi, j'ai mes deux jambes. Tu comprends? Moi, ces gens-là... Non, c'est sûr, je dis, mais... Je dis, des fois, c'est une petite job à temps partiel pour des gens qui ont plus de difficultés. Des fois, ça peut être... on peut encourager les gens, encourager les gens à le faire, puis leur démontrer que ça se fait, puis qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Par contre, moi, je toucherais pas à ça, là, l'aide sociale des quadriplégiques. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais ça peut être amélioré. Bon, encourager le monde, même peut-être en restant sur l'aide sociale, mais quand même se trouver des emplois, quitte à travailler 8 ou 16 heures par semaine, parce que le travail, c'est la santé. Hein. Mais souvent, ça vient d'eux-mêmes, hein. T'as comme pas besoin de les encourager. Question souvent, ces gens-là, justement, veulent retrouver une fierté. C'est parce que certaines personnes, s'ils travaillent 16 heures par semaine, sont pénalisées. Ben oui. Donc, moi, pour les personnes handicapées ou qui ont des déficits de travail, moi, tu je leur permettrais de travailler quand même. Tu leur laisses le place pour un bout ou pas éternellement, sinon ça devient un racket. Oui, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça devient un gros gag. Je pense que les choses là. Peuvent être améliorées, pareil. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Bref, rassaille-toi donc, voir. Donne nos chiffres, le chiffre, donc, du nombre d'adultes sans contrainte. Ben, je dirais, on va dire, tu m'as dit, c'était moins que ça. Ah, oui. On va dire 149 000. Ah, c'est encore moins. Ça a baissé, mais c'est encore beaucoup. Okay. Hey, je te laisse. Salut, bye. Merci bye. D'avoir appelé bien fin. Bon, okay. Mais il y a droit quand même à son losing horn. Ah, il y a droit, certain. Il y en avait 137 000 l'an passé. Ça a baissé. Mais quand on dit ça a baissé, est-ce que ces gens-là ne sont plus sur l'aide sociale? Est-ce qu'ils travaillent à temps plein? On n'en sait trop rien. Moi, ce que je vois, c'est que ça a baissé. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ça n'a pas baissé énormément, mais quand même. Ça a baissé. Mais moi, je veux le chiffre. Il y en a combien au Québec sans contrainte qui peuvent travailler, des adultes à qui on envoie un chèque à tous les mois? Oui, bonjour, Morel Live, c'était salut, Doom, ça va? Salut, ça va toi? Oui, garde, juste avant de te répondre, moi j'ai travaillé en déficience mentale, puis garde, à chaque matin, il y en avait tout le temps 8 qui partent en Texas aller travailler. Wow. Des gens fiers qui travaillaient dans les... À Shawinigan, il y avait l'atelier, on appelait ça l'atelier, c'est-à-dire des déficients, soit des personnes qui avaient la trisomie 21 ou d'autres formes de déficience, des personnes fières d'aller faire leur petit 15 heures, leur petit 20 heures, faisaient du bricolage, oui. Des choses de... Ils partaient le matin autour de 8 heures, puis ils revenaient à 3 heures de l'après-midi, puis ils étaient tout contents d'en revenir quand ils revenaient, là. J'en ai connu aussi des gens comme ça qui se faisaient même transporter pour aller travailler, y aller. C'était pas évident là. C'est ça, mais c'était pas évident. Il fallait qu'ils fassent un transfert, tu sais, tout ça pour aller faire son petit plus dans sa vie, là, aller ça. Rencontrer sa gang. Contribution. C'est ça. Puis il travaillait fort, puis il était fier de lui ça, quand ça il revenait. Ouais. Mais ton chiffre c'est quoi? 125 000. Je te le donne. Merci. Oh, il donne. il avait l'air prêt, hein? Un peu comme un gars qui se présente en échappé devant Gauleur, là, il avait l'air prêt. 126 952. C'est énorme. T'en as combien qui rentrent dans le stade olympique? On l'a rapetissé un peu. Ouais, 50, 56 000. Le stade n'a pas été rapetissé, mais on a reconfiguré les estrades. Ouais. C'est quoi? C'est autour de 40 000 au stade? Ah, c'est plus que ça. 55 peut-être. Mais c'est, ouais, t'as raison. 50. Ouais, salut, donc, bonne journée. Salut, bye. Donc, deux stades olympiques et demi. Ben, plein. Mais on pourrait dire deux stades olympiques, un centre Bell. Ouais. Si tu veux y aller. On va y aller en. Vous voulez bien visualiser, là, la version amphithéâtre. Mais ça, là, c'est des gens qui peuvent travailler avec leurs jambes, leurs bras, capables de contribuer. Pas de contraintes sérieuses, pas de contraintes temporaires, pas de dépression. Deux bras, deux jambes, une tête. Là, on va poser la question à des fonctionnaires. Des fois, on fait des entrevues avec des fonctionnaires. Ouais, mais M. Morin, vous devez comprendre que ces gens-là, ça va pas réintégrer dans la société. Puis là, ils ont besoin de réinsertion. Puis c'est des gens qui manquent de confiance en soi. Puis c'est des gens qui, après 3-4 ans, là, sur le marché, c'est ça l'histoire. Ben, c'est ça l'histoire. En plus, ils nous le confirment. Oui. Oui, vous savez qu'après un certain temps, là, ils sont victimes de préjugés. Ben oui, mais laissez-le pas 7 ans. Exact. Ça va être correct. Exact. Mais pour la bonne gauche, faut pas parler de ça. Ben non. Non, parce que là, en plus, quand on en parle, là, on participe au problème, en plus. Parce que là, ils se sentent encore plus mal, tu sais. Faut pas parler des problèmes. Faudrait pas botter deux, trois fesses, là. Faut pas parler des problèmes. Le nombre sans contrainte à l'emploi, combien y a-t-il de moins de 21 ans? Ça c'était peur, hein? Oui. Salut, Morel Live, c'est à vous, de moins de 21 ans. Sans aucune contrainte? Sans aucune contrainte. Okay. Parce que là, je pourrais y aller entre 21 et 24. Ben, ça doit être zéro, là. Ça se peut pas, quelqu'un de 20 ans sans aucune contrainte. C'est pas zéro. Combien de jeunes capables de travailler de moins de 21 ans reçoivent un chèque? On l'a perdu, mais il n'y en a pas. Baissez votre radio, s'il vous plaît. Oui, OK, c'est à moi? Oui, allez-y. OK, je vais dire environ 15 000. Non, c'est trop. Par contre, 15 000, ça a de l'allure pour les entre 18 et 24. C'est 15 000. OK. Je te le donne. Mais c'était pas ça la question. En passant, les 64 000, là, ils ont quand même une contrainte physique majeure, ceux-là qui sont aptes à l'ouvrage, tout ça, mais vous n'en parlez pas. Hein? Ils ont pas de cœur. Ouais, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ah, ben moi, c'est le même que je prends pareil. Ouais, non, je le sais, mais mon système et l'idée qui devrait être envisagée, c'est, je veux pas les victimiser, mais à quelque part, on leur donne un chèque sans rien faire. On les tue un peu. Et je pense qu'on doit se regarder pis on doit se blâmer. Je pense qu'on leur fait un beau piège. Là. C'est un piège, exactement. En imposant un deadline de 2 ans, là, on va dire une affaire, au bout de 14 mois, là, le jeune, il en fait des CV puis pas à peu près. Ouais, je suis d'accord avec vous autres. Je suis d'accord sur toute la ligne. Je suis pas meunier. Mais l'être humain est fait de même aussi. Oui. Hein? Le moins qu'on travaille, mieux qu'on est. En plus, on est capable de payer. C'est comme pas tentant, mais en tout cas, ça l'aide en maudit à prendre cette option-là. Hey, merci d'avoir appelé. Bye. Salut. Autre question. Combien ont un niveau universitaire et qui sont sans contrainte? Des gens qui sont à l'université, là, avec les frais de scolarité qu'on connaît au Québec. Donc très bas. Donc, scolarisé... Sans contrainte, en pleine forme. Sur le BS. On va vous le dire, là, sur l'aide sociale, le bien-être social. Ouais. L'aide sociale, le bien-être social, on sait ce que c'est, là. Et à quelque part. Attention, il a pris, là, sa feuille, elle commence à être à moitié, là. Quoi? Oh! Le gars qui prend des notes quand il nous écoute, là. Discrimination, carré rouge. On n'a pas parlé de carré rouge. Il y a du BS trois fois! Là, si je dis carré rouge, là, il y a le carré rouge, BS, alors, radio poubelle. Tu mélanges toutes les affaires, là. Radio X, radio poubelle, du M, la droite, carré rouge, université, BS. Il y a du BS trois fois. Fait que là, on va relier ça. Un peu comme, tu sais, des fois, les napperons de Saint-Hubert, là, les pour les enfants, oui. 1, 2, 3. Fait qu'eux autres, ils vont partir de Duhem, Moret, Radio X, La Droite, Carré Rouge, Université, BS. Fait que là, ils vont relier ça va faire un dessin, puis ils vont envoyer ça au CRTC ou whatever. Ils vont bloguer là-dessus. Ils vont sur la tablette. Ils vont se trouver bien fin. Combien il y en a, donc, de niveau universitaire? Sans donc, plein de scolarisation, mais voilà. Pas plein de jobs. Ben, ils voulaient y aller à l'université, tu comprends-tu? Ben. C'est notre droit, l'accessibilité. Ouais. Mais moi, je voulais y aller études gréco-romaines. Oui, c'est mon droit. Alors que dans le fond, c'est un privilège. C'est pas donné à tout le monde, l'université. C'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas parce que vous allez pas à l'université que vous êtes des caves. Des soudeurs, des menuisiers, des mécaniciens. D'après moi, on en a besoin. D'après moi, si votre char tombe en panne ce matin, c'est pas un gars qui étudie en poésie à l'université de Rimouski qui va le réparer. Donc, je vous dis ça de même. Dans la société, on a besoin d'un peu de tout. Je pense qu'on a peut-être trop parlé d'université au cours des derniers mois, en effet. C'est pas parce que tu y vas pas que t'es niaiseux. Loin de là. Donc, on va toujours bien aboutir avec ma réponse. Fait quatre fois, je pose la question. Donc, salut, Moral Live. Bonjour, c'est à vous. Avez-vous un chiffre? Oui. C'est à moi? Oui. Ouais, salut, madame. Salut. Ah, oui, il y en a 2480. Oh, plus de sauce. Plus de sauce. Ah oui, plus de sauce. Oh, 4600. Ah, plus de sauce, mais là, les prochains qui vont mettre de la sauce, ça sera pas toi, là. Non, ben, des carrés rouges vont travailler pas mal. Ouais. Tu l'as perdu, celle-là. Attention, là. Il a dit carré rouge. Il a dit carré rouge. Il l'a dit. Je vais être barré. Il l'a dit. OK, merci. Alors là, d'où je trouve qu'on marche sur la ligne raide, ouais. Sur la corde raide. Ces gens-là ne sont pas... Il n'y a aucun carré rouge là-dedans. Il n'y en a pas. Là, je suis rendu de l'autre bord. Hein. Oui, bonjour, Morel Live. Bonjour. Il y a combien de finisseurs d'université qui sont sur l'aide sociale et ce, sans aucune forme de contrainte? Autrement dit, qui peuvent travailler dès demain matin. Moi, je dirais 10 000. Baisse un peu, je te le donne. 9005. Baisse encore. C'est pas grave. 8320. Mais on te le donne, même si c'est Doom qui a donné la réponse. On te le donne parce que c'est la gratuité. C'est la gratuité. C'est la gratuité. On a parlé d'université. Donc, gratuité. Là, ton chèque. Université égale gratuité. Donc, tu l'as eu, même si tu as coulé ton examen, tu passes pareil. C'est comme ça le Québec. Oui. Une affaire à te dire. Vas-y. Moi, là, où est-ce que j'étais, là, j'étais à Victoriaville avant, puis j'ai connu une petite demoiselle que ses parents, c'est ça le métier, bien-être social. Okay. On peut leur dire comme ça, l'aide sociale, sans leur offenser. Oh oui. Puis quand elle a fini l'école, là, elle a dit à 16 ans, je lâche l'école, on va faire comme mes parents. Fait qu'à 16 ans, elle lâche l'école, puis elle est tombée direct sur le bien-être. Ils sont tous capables de travailler, puis ils sont se lever le matin, les autres, ils connaissent pas ça. Mais c'est de notre faute, c'est pas de leur faute. Ouais, c'est de notre faute. C'est sûr qu'avec... Non, non, mais c'est pas ça, c'est que... En général. C'est le même principe que la subvention, c'est le même principe que l'enveloppe budgétaire. Non, c'est parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de carré rouge, c'était ça pareil. Oui, parce que l'argent est là. Donc, automatiquement, quand tu mets de l'argent dans une poche, puis que tu dis piger dedans, faut pas que tu sois surpris qu'il y ait des gens qui pigent dans la poche. Voilà, c'est un programme qui est trop permissif. Qui est à volonté. D'ailleurs, j'y reviens, je suis rendu là. Hey, merci d'avoir appelé. On est carrément sur le target. La durée de présence cumulative des adultes sans contrainte à l'emploi. Ça l'est toujours bon. C'est ça qui m'intéresse. On le répète, les autres, ceux qui en ont besoin, devraient être augmentés. De ça. Les gauchers, c'est quoi de pas ce volet-là? Ça les intéresse pas, mais je vous le dis à vous autres. Je vois, il l'a pas noté sur sa feuille, ça. Il l'a pas noté. Non. Hein. Ben, c'est ça. Mais il a noté que t'as dit BS 6 fois, par exemple, quand même. Oh! Ben, tu l'as échappé un peu. Ouais, c'est vrai. DS, là, pour la suite des choses, c'est de DS. DS. C'est le DS. Il y en a combien, donc, qui sont là-dessus depuis plus de 120 mois et plus? 120 mois, dernière nouvelle, c'est 10 ans. Ouais. Je peux me tromper, là. Pas mal ça, là, 12 mois par année. Ouais. Ben oui, je le sais. Donc, 10 ans et plus, il y en a combien qui sont là-dessus sur l'aide sociale? Ça, c'était peurant. Sans contrainte, depuis plus de 10 ans. Une décennie d'amour. Oui, bonjour, Morelive. C'est à vous. Vous avez la chance. 1-877-440-2464. Le 1-877-440-2464. Il y en a combien qui sont là-dessus depuis plus de 10 ans, sans contrainte? Oui, bonjour, Morelive. C'est à vous. Je peux t'essayer, moi? Hein? Je peux t'essayer? Ouais, vas-y, c'est à ton tour. Depuis plus de 10 ans. Là, t'as pas d'âge, hein? Là-dedans, t'as pas de limite d'âge. Non, c'est adulte. OK. J'espère que c'est moins de 20 000. Ben là, c'est plus que ça. Ben non. Oui. Plus de 20 000 sans contrainte au travail qui sont là depuis plus de 10 ans. Oui. OK. J'espère que c'est moins de 30 000. C'est plus que ça. Non, non. J'espère que c'est moins de 50 000. T'as raison. Mais c'est moins de 50 000, phew. C'est par un poil. Ça m'a quand même pris trois shots, là. 49 680! Tu l'as eu! Ben oui! Tous les vétérans, donc, 50 000. Des vétérans, 50 000 depuis plus de 10 ans, qui sont capables de travailler. Moi, je pense que c'est la statistique la plus importante. Donc, c'est malade. C'est 10 ans. Une décennie de chèques. Et je vais y aller avec... Oh, ça sonne, le téléphone sonne. Oh oui. On va y aller avec une couple de questions, bien vite. À 11h01, vous écoutez Morelive en passant. Version rétro, donc on ramène nos classiques, on ramène des gens qu'on a aimés. C'est le retour de nos idoles, donc pourquoi pas? On y va avec un petit The Price is Right de l'aide sociale. Il y en a combien à Montréal aptes au travail? Ah, oh, ça fait mal, ça. Là, je viens de rajouter ça dans le dessin, là. Radio X, à droite. Éric Duhaime, l'aide sociale. T'es rough avec toi-même. Montréal, université... Carré rouge. Là, t'as ciblé Montréal. Là, c'est le double whammy. T'es sérieux? Tu veux aller jusque-là? Ça, c'est le dessin sur le napperon de Saint-Hubert. Là. On vient de relier ça, donc ça vous donne... Regardez à sa deuxième page. Une forme là. Quelconque, vous envoyez ça. Et à ce moment-là, on a tous de la peine en cœur. Donc, pour la plainte, c'est 11-34, Grand Allée Ouest. On va vous faciliter la tâche. Ah ouais, on a de la peine. Parce que c'est des chiffres du gouvernement qui font mal. Mais c'est pas grave. Pas besoin de le dire, hein, que c'est des chiffres du gouvernement. Radio X a inventé des chiffres. Ah non, c'est ça. Ah, oui. T'as écrit ça hier soir. L'île de Montréal, donc, il y a combien d'assistés sociaux sans contrainte? Démagogue. Il y en a combien? On dirait que c'est toi qui écris la plainte. Ah oui, regarde, je suis prêt. Je te regarde à travers depuis tout à l'heure. Il a dit, BS, fois. Il invente des chiffres. Démagogue. Bonjour, Morelive, c'est à vous. Il y en a combien sur l'île de Montréal? Oui, c'est à moi. Oui, bonjour, c'est à vous, monsieur. Sur l'île de Montréal, de n'avoir au moins 300 000. Non, là. Non, je comprends, là. Hein, je comprends qu'il y a un trop plein, là, mais. Non. Il y en a 400 000 au Québec, là. On va juste y aller. Okay. Puis je parle de sans contrainte. Sans contrainte, il y en a 126 000, à peu près. OK. Tu ne peux pas en avoir 300 000. C'est pourquoi qu'il y a de moins en moins? Ouais, arrivez-moi pas avec une joke par rapport à ça. Non. Ouais. La population vieillit. Quand il arrive à 65 ans, il vient mettre plus sur l'aide sociale, il vient mettre tout comme retraité. Ah, il tombe sans pension. C'est vrai que c'est... Je sais pas si c'est calculé, Non, mais ça, ce que vous venez de dire là, c'est carrément sur le target. Ça n'explique pas nécessairement les baisses importantes. Il y a quand même eu une baisse de plus de 7% là, l'année passée, cette année, comparé à l'an passé. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Ça ne compte plus dans les statistiques. Il débarque, puis ça paraît bien. Donc, allez-y, je vous donne une autre chance, parce que vous êtes bien fin matin, là. Je vous donne une autre chance. À Montréal, il y en a combien sans contrainte? Il y en a combien au Québec, tu veux dire? Au Québec, sans contrainte, il y en a, sans contrainte, le chiffre exact, je l'ai ici, le nombre d'adultes, 126 952. 126 000, au moins de la moitié à Montréal, sûrement, 75 000. Il y en a 51 876. Ah, c'est bon. Sur l'île de Montréal, ça, c'est si on... Si on fait le tour, si on prend les Laurentides, la Naudière, Laval, là, vous avez raison. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Bye. Il reste toujours. En même temps, la moitié du Québec qui reste dans ce coin-là. Oui, je comprends. Oui, je comprends. C'est représentatif, c'est effectivement, ça. Parce qu'on regarde la région de Québec, il y en a 7000 sans contrainte. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3700 sans contrainte. Et Laval. Dans le dossier de Laval. Dans le dossier de la ville de Dieu de Bagnacourt. Il y en a 4114. Je vais terminer avec une question comme ça. Dans les nouveaux arrivants, et là, très rapidement, ben je sais qu'il faut aller à la pause. T'sais, on peut se poser des questions sur la qualité de notre accueil des nouveaux immigrants, la sélection des immigrants, la qualité de l'accueil, la qualité de l'intégration. Est-ce que ces gens-là, on les intègre bien? Et est-ce qu'on les dirige bien vers des emplois qu'ils peuvent occuper rapidement pour créer de la richesse. Et je vous avouerai que j'ai fait le saut quand j'ai vu ce chiffre-là. Et je vais ouvrir les lignes pour celui-là peut-être. 1-877-440-2464. C'est bien plein, malgré que tu peux répondre. Nous, c'est plein, on peut y aller avec c'est un jeu histoire. Familial. Ouais, je sais bien. Donc, c'est un jeu de société. Tu peux jouer avec ta blonde, des enfants, la famille. Arrivé depuis plus de 3 ans. À maison, là, en gang. À maison, en gang, en famille, en camping. Sans les enfants, là. Mmh. 126 000! Le Price a joué à de l'aide sociale en camping. C'est un jeu familial. Donc, sans contrainte, ils reçoivent de l'aide sociale. Les nouveaux arrivants qu'on devrait intégrer, des gens nés hors du Canada, des gens qu'on devrait intégrer, bien accueillir ici, leur donner tous les outils. Bon, la langue française, bien évidemment. Si les gens veulent aller vivre à Rimouski au Québec, d'après moi, ça va de soi. Puis de bonnes habiletés. Il y en a combien qu'on a accueillis ici qui sont sur l'aide sociale sans aucune contrainte? Oui, bonjour, Montréal Live, c'est à vous. Salut, ça va bien? Salut, ça va toi? Yes, moi, je dirais autour de 40 000. Je vais te dire qu'il y en a, il y en a 54 000 qui ont de l'aide sociale, qui sont nés hors du Canada depuis 3 ans, qui sont arrivés au Canada depuis 3 ans et plus. Il y en a 54 000 là-dedans qui ont de l'aide sociale. Mais moi, je te parle des sans contraintes, parce que c'est eux autres qui m'intéressent. Les sans contraintes, des gens qui peuvent travailler. Peuvent travailler. Ouais. Ben normalement, combien? Quand ils font venir ici, ils sont supposés être capables de travailler. Ça doit pas mal être la même affaire. Moi, je comprends, mais il y en a là-dedans, des contraintes temporaires, contraintes permanentes. Il y a un accident. Un accident, etc. Moi, je te parle de 100 contraintes. Gars, je vais te donner contraintes sévères, il y en a 9500. Contraintes temporaires, 19 000. Conjoint sans contraintes sévères, 1184. Là. 35, 40 000, gros, à peu près. 24 353. Puis tu vois, c'est logique, hein? Moi, à 18 ans, j'avais fait une demande. Ils me donnaient 80$ par mois. Par contre, j'avais eu un accident, j'étais tombé en bas de 2 étages sur la tête, j'étais à moitié légumes. Puis j'étais allé faire de la vaisselle pour survivre. Aïe, aïe. Ça fait-tu longtemps, ça? Ça, c'est arrivé en 96. En 95, excuse. Puis qu'est-ce que t'as fait par la suite pour te prendre en main, puis t'es allé... J'étais allé vivre chez ma grand-mère. J'ai resté chez ma grand-mère, puis leurs 80$, je l'ai jamais voulu, puis j'étais allé faire de la vaisselle, et puis je lâche mes études, parce que ma mémoire était plus là. Mais je peux plus faire ce que je voulais faire dans la vie. À ce temps, je chauffe des trucks, je suis correct, là, mais j'étais ce qu'on appelait une balle à l'école, puis c'est plus le cas partout. J'ai de la misère à retenir ce que j'ai mangé au déjeuner. Ça va bien aujourd'hui? Bon, oui, j'apprends à vivre avec, je prends les notes en masse, là. Mais à l'époque, là, j'ai été quasiment 2 ans, là, que j'oubliais carrément de manger, là. Quand tu tombes malade, des gros mal de tête, là, ta grand-mère te regarde qu'est-ce que t'as mangé hier, puis tu te rends compte que fait 3 jours, t'as rien bouffé, là. Oh ça, boy. C'était mon cas. Tu prends-tu beaucoup de médicaments par jour? Je prends absolument rien à faire. OK. Ah ben, lâche pas. Merci de nous écouter, by the way. Lâche pas, bye. OK, salut.